péchés capitaux. Mais fini le cirque, y'a plus de clowns. Ils ont défait le chapiteau. C'est l'âge adulte, comme moi je sais que ça te fait serrer. Fais pas le mytho. Je croise beaucoup de mauvaises langues, des conseils légers, pas de clito. Pendant que les responsabilités s'accumulent comme de vrais pustules. On tisse jusqu'à plus soif et chante nos os au crépuscule. Ma passion, ce qui m'anime, c'est juste de froisser le vide. Capiche, j'aimerais que les peuples se réunissent comme dans un film. Cédric Lapiche, les braves, j'en pense leur angoisse et dorment. J'dors le fond de tête, j'adore quand la nuit me dévoile ses formes et me porte conseil. Les problèmes clous au sol, pour ça que le style est aérien. Me ronger le crâne, j'ai bien compris que j'avais le choix entre ça et rien. J'tape ni du bédo, ni de la cesse, ni du ghetto, ni de la thèse. Mais la mélodie m'apaise, c'est ma théorie, ma thèse. Peut-être que j'ai pas assez de retenue ou trop. Mais chaque couplet, c'est vraiment moi, de l'intro jusqu'à l'outro. Les gens disent tellement de choses, des choses bizarres. Je demande si. J'en sais rien, j'ai aucune certitude. Pose des questions, c'est tout. Est-ce le début ou la fin? Sachant que la fin n'est qu'un début, que la vie est faite de rébus, qu'il faut tout se résoudre. Et ça, si tu veux atteindre tes buts, j'ai des vues sur une carrière. Je vois des fûts et des tas de bières. Ouais, je m'effume et les rêves fusent dans les effluves de ma tanière. Je n'ai plus de barrière que des rimes crues dans mon barillet. C'est des fixes pures dans ma mixture, mais les risques durs, c'est à parier. À parier le navire, que mes pirates soient prêts. On a décidé d'agir de l'avant à l'après. J'ai des remords que de regrets, des remords et pas de gré. Je les veux morts comme un homme. Je ne vais mort, pas moi je crée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça ici. L'homme est droit comme la tour de Pise pour avoir sa piscine. Ils savent que tu lis pas piscine. Ils savent aussi que le pigeon n'attaquera pas l'officine. La vie ne s'écrit pas au crayon. Pour ça qu'on crie, on crée, on dérime à la craie. On veut pas de ça, les bullshit sans des crayons. Quand je regarde une personne qui m'entoure, je me dis, c'est ça mes amis? Mais c'est qui? Je les connais même pas. Les seules personnes en qui j'ai confiance, c'est mes amis. J'ai vu mes parents se noyer dans les larmes sans bouée de sauvetage. Jusqu'au dernier souffle, je noircirai tant que je pourrai d'autres pages. Un tas d'idées, je propage pour m'abriter de l'orage. Je suis prisonnier de mes peurs qui veulent décapiter l'otage. Je crois que toutes ces galères me rendent un peu paranoïaque. La vie m'a mis une pluie de beignes et pour ça j'ai pas d'anorak. Peut-être que j'ai pas assez de retenue ou trop. Mais chaque couplet c'est vraiment moi, de l'intro jusqu'à l'outro. On sait que chacun a ses vices, que certains sont assez vils. Je voudrais les voir passer vite, les merdes donc je finis par ces. Moi je m'en fous d'être classé vif. Et ouais, ma route je trace et vire. Tous les obstacles qui me retiennent, au moins j'ai pas un passé vide. Outrospection, j'ai trop de doutes, trop de questions. Coup de grosse pression quand j'écoute vos agressions très sombres. Ouais, c'est clair que ça m'arrive de l'être. On pourra pas me reprocher de pas avoir laissé de l'être. C'est un total oubli de moi-même. Envahi par la nuit, le silence et la plénitude. J'avais trouvé la liberté. Perdre tout espoir, c'est cela la liberté, cela la liberté, cela.